Et alors, ça va tes cours d'allemand? Je trouve ça un peu difficile. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire en dehors des cours? Eh bien, par exemple, tu peux écouter des chansons. On trouve facilement les paroles sur Internet. C'est comme ça que j'ai commencé quand j'ai appris l'anglais et l'italien. Et tu as lu des livres? Non, pas vraiment. Je n'aime pas trop lire. Ah oui, j'ai aussi écouté la radio. Je suis allé voir des films en version originale et sous-titrés en anglais. Et l'italien, comment est-ce que tu l'as appris? Parce que tu parles vraiment bien. Tu es allé en Italie? Pas du tout. J'ai fait comme pour l'anglais. Et pour apprendre de façon plus amusante, je me suis inscrit à des cours de pâtisserie en italien. C'est sympa, non? Et maintenant, je fais de très bons tiramisu.